C'est le moment de retourner à Assemblage Requis, émission du matin, ici même assez fou, pour écouter un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 17 novembre 2014. Audrey, t'as pris un coup de jeune en fin de semaine? Je sais pas, est-ce que c'est la disparition du pad? T'es fait couper les cheveux? Je me suis fait un petit peu couper les cheveux, oui. Fait du bien? Mais c'est de remarquer, oui. Je me suis rasé aussi un peu. Bon, t'es ouais. Tout frais. Fais-moi penser de faire poser mes souliers verts. Oh boy. Ouais, c'est un peu glissant, c'est... Je sais pas. J'apprécie quand même le fait que t'as pas dit que j'ai un pneu 4 saisons. Autour de ma taille. Ben voyons donc. C'est tout pour le bloc pub. Ah, ben tu finis ça assez fort. Abrupt pour point, comment on pourrait dire. Abrupt pour point. T'aimes ça? Oui. David Perron, c'est le moment de sa chronique hebdomadaire, les notes salées. Puis ça va être pas mal juste l'intro de bonjour, parce que ça tente pas en tout de chanter là-dessus. Oh, de la soupe en canne Saint-Hubert, ça c'est tellement salé. C'est vrai? Salé. Ah, les herbes du Bas-Saint-Laurent, c'est salé. Oui. Non, je l'ai faite, celle-là aussi. Tu l'as déjà faite? Mais oui. Mais voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive? Je faisais mon best-of. Ah, c'était... Veux-tu qu'on le recommande? Non, ça, ça va aller. Mon réveil qui m'a pas réveillé. Tu sais, c'est un peu sa seule job. Sa fonction principale? Ben, sa deuxième, c'est d'être beau. Je l'ai quand même choisi parce que je trouvais l'application super belle. Tellement de filles. Mais... Pardon. Hein, pardon, j'ai fait la même chose. Là, si quelqu'un choisit ses applications pour le look, c'est bien monsieur devant moi. Monsieur, les apparences, monsieur. Ouais, monsieur, parce que juste monsieur en apparence, hein. Ah, OK. Quoi? Non? OK. T'es un peu fait fille. Ah, merci, oui, merci, je m'assume tellement là-dedans. Et la chronique du club plein air écouté. Ah. On manque de ça, de l'air et du vent aujourd'hui. Oui. Surtout entre tes deux oreilles. T'es drôle. C'est ça ton talent, t'es drôle. J'ai apporté la Smirnoff aux ananas exotiques. Moi, ça m'a impressionné quand je l'ai vu. Aux ananas? Aux ananas. Je savais pas que ça existait. Bon. Je l'ai vu, je me suis dit, il me faut ça. T'sais. Ben, c'est besoins. Clair. Donc, je l'ai amené juste une bouteille. Je me suis dit que peut-être que deux, c'était ambitionné le matin. Surtout que je peux pas boire d'alcool, Mathieu. Ah, c'est ben trop vrai. J'ai oublié ça. Je vais goûter tout seul, OK? Je m'excuse. Ouais. Ben, c'est correct. C'est croyance religieuse. Donc, moi, c'est ça, je suis devenu. Mon Dieu, quelle région peut pas. Il y en a-t-il qui peuvent pas? Ah, les Mormons. Les Mormons. Stéphanie Mormon Paradis. C'est connu. Ben bon. Ben, c'est plate, parce que d'habitude, j'aime bien ça, boire un peu d'alcool, me remonter le moral. Ah, c'est drôle. C'est trop drôle pour moi. Si l'entre-gens était un jeu de société, quel serait son nom? OK? Fait que là, moi, j'en avais sorti. Je pense que j'ai Serpents et Échelles. J'ai Sorry. Alors, en tout cas, c'est pas mal tout ce que j'avais. Je te dirais qu'il y aurait le Yummy. Yummy. Le Yummy, c'est bon. Opération. Opération Fort Soleil. T'as Hungry Hungry Hippo. Ça, c'est le petit hippopotame que tu faisais. Il devait aller chercher les petites boules là, dans le milieu. Oh, wow! Trouble. Trouble. Trouble, oui. Hein? Call of Duty. Mario Party. OK, non, ça va pas. Bon, merci, c'est tout. C'était ma parenthèse. J'étudie Guess Who? Y a-tu une moustache? Y a-tu un fou? Je pense que je pleure. J'aurais pensé que le vent aussi froid, que ça me réveillerait plus que ça le matin. Ah, et pourtant, qu'est-ce que ça fait? Je m'en réveille pas pendant tout, je suis encore endormi. C'est quoi l'affaire? What the froid? You know, WTF, c'est le nouveau. Oh oui, what the froid? What the froid? Qu'est-ce que ça fait là, du froid de même en novembre? Ben voyons donc. À 9h, ça va être toi avec Master Steph. Tellement. Tu nous fais une petite recette comme ça, trouvée sur le net. Puis je l'ai faite en pensant à toi. Ah, t'es... Oh, Mathieu Plante, tu vois, c'est ça que tu faisais. Fallait que je fouette, que je batte. On se fait une partie de Cards Against Humanity à un moment donné. Faut être sous pour jouer à ça. Ouais, ben, c'est vrai, ta religion mormone t'empêche. Eh, maudit que ça va pas bien, ça, ce mormonisme-là. Parce que tu commences à prendre de la drogue. Non, ça, tu peux pas faire ça, non. Non, c'est ils sont donc bien restrictifs. Ah, c'est terrible. Ouais. Et pendant ce temps-là, ben, on fait notre pâte, on la laisse reposer, on abaisse notre pâte. Ensuite, photo 3-4. On la rabaisse, t'es vraiment pas une bonne pâte. Pour vrai, là, Faut pas dire ça. C'est comme mon plan. Faut leur parler gentiment. Comme ça, ils vont être bien meilleurs. Il faut remonter ta pâte. C'est ça. Tout va bien aller, pâte. Oh, Seigneur. Lâche pas la patate. La tarte, on y retourne. On y retourne. J'allais dire on y retarde, mais... Non, c'est ça. Ben, j'avais commencé à y penser, puis j'ai abandonné assez rapidement. Oh, c'était pas terrible. Pas terrible. Même moi, je l'aurais pas fait. Mais je l'ai pas fait. Non, c'est ça. J'ai juste dit que je la ferais pas. Si, non, exactement. La religion juive, donc, qui va les préparer plutôt à être rabbin que de bons citoyens québécois. Oui. C'est un peu de rab, hein? Oui. C'est un peu de rabbin. Donc, le problème. C'est pas autre chose pour un juif. Il y a des bons jeux de mots. Merci. Moi, tu vois, les juifs acidiques, c'était à la place des juifs acidulés. Tu sais, du petit. Tu sais, c'est surette dans le mot. Acidulé. Non, t'aimes pas ça. Tu jubes. Non. Je suis sûr que là, tout le monde les accepterait dans leur petit sac bonbon. J'ai des bolas dans les oreilles. Oui. Bon, c'est pas si grave que ça. À moins que t'aies une plaie ouverte, ça devrait pas. Ben, je me baignerais pas dans une piscine des bolas. Tu ne pas dedans, tu prendrais peut-être un bol ou un bol. Un bol de bol. À la fin de ma chronique, vous êtes super bien outillés pour répondre aux questions, dans le fond, des enfants de 5 ans qui disent « Pourquoi? Ouais. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi? » Hein? On peut écouter Découvert en n'apprenant plus rien. C'est ça. Tu vas pouvoir dire « Ah, je le savais! Une chose qui sert. Tu sers à rien. » Ouais. C'est vraiment bonne. Bienvenue à Découvert. Quand on prend une balloune de fête parce qu'on a bu trop puis qu'on est con un peu, c'est pas une question ni de vitesse ni d'intensité, mais plus vraiment de la fréquence. La fréquence. C'est pour ça que ta voix ne change pas quand t'avales un pet. Scatologie. Il y a-tu vraiment maintenant comme des segments scatologiques assez fous? C'est la fou. Première fois que je l'essayais, ça. Ah ben, je l'adore. C'est ça. C'était les meilleurs moments d'Assemblage Rocky pour la semaine du 17 novembre 2014, toujours avec une semaine de délai parce que la semaine n'est pas terminée quand on fait l'émission le mercredi. À écouter Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. C'est avec Stéphanie Paradis et moi-même Mathieu Plante. Un paquet de chroniqueurs, un paquet de segments loufoques. C'est tous les jours de semaine, sauf le vendredi parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire le vendredi.